quand les jours et les années jaunissent les calendriers, quand ils s'accrochent au filin des bateaux pour un sillage de rêves nouveaux, quand les nuits se font plus claires, que restent ouvertes les paupières, quand il essaie d'enrouler un rayon de lune avec sa canne pour seule fortune. Le marin est bien mieux, le marin se sent heureux, prendre le temps, enfin prendre le temps, son corps est bien plus fort, s'en fout bien de la mort, être longtemps, encore être longtemps. Quand il met ses galoches, son vieux mouchoir dans sa poche, quand il ouvre le portail de son jardin, les jeunes pousses crient où son terrain, quand il rencontre la boulangère pour une baguette fraîche et légère, quand il se voûte sur les murs imprégnés des vieilles halles de la criée. Le marin est bien mieux, le marin se sent heureux, prendre le temps, enfin prendre le temps, son corps est bien plus fort, regard fixé vers l'horizon, quand il dépose dans les bras du ressac des temps de terre champs du hamac, quand sont remplis ses poumons de l'odeur folle des goémons, peut saluer la mer, rentrer chez lui, confier sa joie au brin de buis. Le marin est bien mieux, le marin se sent heureux, prendre le temps, enfin prendre le temps, son corps est bien plus fort, s'en fout bien de la mort, être longtemps, encore être longtemps. Quand le soir, au vieux port, après souper, il ressort, les clapotis, reflets des réverbères, renvoie les grandes pêches d'hier. Quand il entre aux mille sabords pour retrouver ses liens du bord, après tafia il repart les yeux brillants, y a dans les voiles un joli vent. Le marin est bien vieux, le marin se sent heureux.